flotte. Il y a de l'amour dans le soir si doux qui flotte. Qui flotte. Du jupon un peu partout qui trotte. Qui trotte. Il y a de l'oiseau dans les maisons. Il y a de la fille sur les gazons. Et des savons dans les buissons. Mets des citrons. Dans un furon. Mets ton palmier. Dans ton panier. Mets des bananes. Dans des bassins. Des noix de coco. Dans ton chaco. Gardez vos filles. Gare à la cosse. V'là le 12e musard qui pousse. V'là le 12e musard qui pousse. Ma consigne. Rapport à Zenobie. Où est-elle? Qu'est-ce que vous en avez fait? Je l'ai flanquée à la porte. Vous avez fait ça? Vous avez osé faire ça? Mais c'est vous qui me l'aviez dit. Ben, je vous ai dit ça tant que je croyais qu'elle ne viendrait pas. Mais devant une pareille preuve d'amour. Oh, imbécile! Mais elle était avec l'autre, le capitaine. C'est pas vrai. Elle m'aime. Vous dites ça pour m'éprouver. Elle m'aime, j'en suis sûr. Ah, c'est comme ça. Eh bien, allez la retrouver. Mais avant, je vais vous dire une chose. Je vous ai dit ce matin que vous n'étiez pas un vrai cocu, eh bien j'avais rudement tort. Vous êtes le plus cocu de tous les cocus. Ah, c'est comme ça. Savez-vous ce que vous serez, vous? Une cocotte. La plus cocotte de toutes les cocottes. Oh mon Dieu, que je suis malheureuse. Oh, monsieur du parquet. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Antonin. Antonin, je l'ai chassé. Et tout ça, c'est de votre faute. De ma faute? Mais oui, de votre faute. Comme si vous pouviez savoir ce que c'est que l'amour. Tu l'aimes d'autant que ça, cet imbécile? Oh oui. Alors, la première chose à faire, c'est de devenir célèbre. Je connais Antonin, ce jour-là, il ne sera à tes pieds. Allons, viens ma petite, je t'enlève. Dans 5 minutes, nous partons pour Paris. Et les v'là tous à Paris. Du parquet transformé en impresario et Ciboulette en Conchita Cibulero. Et toi l'espagnol, à Paris, vous savez comment que ça se passe. Pourvu qu'on vous croit étranger, vous v'là lancé. En 6 mois, la Ciboulette, elle a fait du chemin. Mais, excusez-moi, voyez-vous, faut que je me mette sur mon 31. Parce que Ciboulette, monsieur Duparquet et moi, on est attendus chez monsieur Olivier Mettra pour le dernier acte. Vous allez voir, hein. Pour ce qui est des bonnes manières, j'en remontrerai aux gens de la haute.